On parlait de la peur du ridicule. S'il y en a bien un qui n'a pas peur du ridicule, voici Guillermo Guise. Il en a fait un métier. Ça va les amigos? Yes. Voilà raison Morgane, putain, on est le 30 août quoi. Mon neveu il rentre le 6 septembre. Oh. C'est chaud quand même, on rentre plus tôt que nos enfants. quand je dis nos enfants, vous voyez très bien ce que je veux dire. Soyez pas méprisant. De toute façon, vos enfants quelque part, c'est aussi mes enfants quelque part. C'est vrai. C'est même pas une question de test de paternité. On s'en fout si je suis le père biologique. Moi je dis c'est vous qui les avez élevés, Nagui. Voilà, c'est ça l'important. Dans ma tête, je suis juste un tonton qui les aime de loin. je réclamerai jamais rien sur le plan pécunier. Et c'est de votre faute. C'est de votre faute cette blague. 100%. Moi je voulais arrêter la bande originale. Je vous ai dit, je suis sec. J'ai vraiment plus rien de pertinent à dire sur la société. Je crois que même si je fais les anges, ils me coupent au montage. Franchement, il y a des raquettes de piscine qui ont plus d'inspiration que moi. Sérieux, c'est vous qui m'avez convaincu. Vous m'avez dit qu'est-ce que je peux t'offrir pour que tu restes. J'ai dit, vous savez très bien. Et vous m'avez dit, mais il y a déjà quelqu'un, elle est là, je peux rien faire. J'ai dit, non, pardon, vous m'avez dit, pardon, c'est bon. De toute façon, c'est vrai qu'on peut plus offrir les gens fucking me too. Vous m'avez dit ça, je me rappelle. Et c'est là que vous m'avez sorti cette tirade mythique. Mais non, vous m'avez dit, mais non, tu verras la saison prochaine, la vie va reprendre comme avant, tu vas avoir 1000 anecdotes. En plus, il y aura à nouveau du public, il y aura plus de masques en studio. Mesdames, messieurs, visionnaire, Nagui, je te jure, visionnaire. Il avait prédit Messi au Clermont Foot pour 6000 euros par mois, tu vois. Mon conseil, demandez-lui qui va gagner la présidentielle, votez pour l'autre. Vraiment, tu sais quoi? Tu vas avoir 1000 anecdotes. Ouais, super. Là, j'ai découvert les mots fléchés. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, no fucking way, t'inventes, ça c'est un scénario de film. Non, sérieux, monsieur veut passer dans 50 minutes inside. Non, même pas. Non, je suis vraiment fort. C'est vrai, faire du porte-à-porte en 8 lettres, slalomé. Voilà, bah ouais, à cause du ski. Oui, voilà. C'est astuce sur astuce, ce jeu. Enfin, bretonne, mais oui, bretonne bien roulée en 5 lettres crêpe. Crêpe. Je suis passé au niveau 5. Je parle en MP avec Laurent Romeshko. Vraiment, il me dit viens dans l'émission. Je suis là, mais ah non, pas Laurent, est-ce qu'il faut vraiment faire tous ces fantasmes? Alors, c'est de votre faute, Nagui. Je vous ai dit que j'étais à sec. Maintenant, vous assumez mon angle. Et mon angle, c'est je suis fort homo fléché. Hein. C'est comme ça. Il me reste une 30. Hein. Après, c'est vrai que c'est une belle histoire, ma progression dans les mots fléchés. Je veux dire, c'est vrai, moi j'ai commencé au porte-mine, comme tout le monde, avec la petite gomme. J'étais tellement pas sûr de moi. Et là, je suis à l'encre des limites. Tu te dis quel chemin, quoi. Quel chemin. Je poste mes grilles sur les réseaux, je reçois tellement d'amour. Les gens, ils me disent l'encre indélébile. T'es complètement fou. t'es fou, mais on t'adore. C'est sûr qu'il y a un risque de rature, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais à un moment, tu te dis YOLO, quoi. Si je le fais pas maintenant, je le ferai. En fait, j'adore. Non, c'est vrai. En vrai, j'adore. C'est Morgane qui m'a initié cet été, c'est vrai en plus. Là, je suis addict, mais genre horrible. J'en fais même avant d'aller dormir. Je peux vous dire un truc, c'est que dans ma vie, j'ai fait plein de trucs avant d'aller dormir. Il y en a, c'était déconseillé par le ministère de l'Agriculture. Franchement. Oh non ! Avant de dormir, moi, j'ai fait des trucs. Non ! On était trop. On était trop. Ouais. Avec le recul, j'ai fait tout avant de dormir, mais putain, des mots fléchés. J'ai même pas 40 ans, quoi. Même Edgar Morin, il fait des trucs plus punk avant de dormir, c'est sûr. Tu vois, à minima, regarde Secret d'Histoire. Tu vois, moi, je fais des mots fléchés. Mais ça me donne des satisfactions, des vraies satisfactions, quoi. J'apprends des nouveaux mots. C'est incroyable, allez, avec tout le respect que j'ai pour la bande originale, c'est pas ici que je vais apprendre des nouveaux mots, franchement. J'en ai appris un depuis 6 ans, Moumoun. avant Daniel Morin, je connaissais pas ce mot, franchement. Et là, genre noisetier, en 9 lettres, c'est avelinier, c'est une variété de noisetier, c'est génial, tu vois. Imagine, je suis à la pépinière, le vendeur il me fait un noisetier comme d'hab, je fais ah non, pas cette fois. Ah ben non, ça m'ouvre des perspectives, c'est inimaginable, quoi, vraiment. Et les gars, je vous jure, je vais devenir cruciverbiste. Franchement, de toute façon, oui, ma vie sexuelle, elle est derrière moi. Moi, je m'en fous. De toute façon, moi, j'ai fait tout ce qu'il y a à faire. Missionnaire, j'ai fait. Califourchon, 2 fois. Donc, voilà, ça va, le sexe, c'est bon, tu vois. Là, chaque mot que je trouve, c'est une petite jouissance intellectuelle. J'ai l'impression de faire appel à des neurones, mais qui m'avaient abandonné depuis tellement longtemps. Il y a des neurones à moi, ils étaient dans la Sibérie de mon cerveau, tu vois, au goulag. Là, je le fais, les gars, on l'a dans le baba, en 4 lettres. Ils me font, je sais pas, essayer Rome. Et je sens la gratitude dans leurs yeux. J'ai rendu leur dignité à ces neurones. Enfin, je sens que ça va être incroyable. Elle va être incroyable cette saison. La semaine prochaine, j'annonce Sudoku. Je dis franchement, on n'est pas à l'abri que je les fasse les chiffres et les lettres. Allez, bonne émission, les amis. Merci. Oh. Guillaume.